À l'occasion de la journée du soleil, les familles des personnes liées à la lutte révolutionnaire anti-japonaise vivant à l'étranger ont déposé le 16 courant les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage. Le même jour, elles ont déposé les bouquets de fleurs devant le buste en bronze de l'héroïne anti-japonaise Kim Jong-suk au cimetière des martyrs révolutionnaires de Taesongsan.